Science Chrono, Antoine Beauchamp. Le 18 mars 1965, le cosmonaute russe Alexei Leonov était le premier humain à sortir dans le vide spatial pour ce qui fut sans doute la dernière grande réussite de l'URSS dans la course à l'espace. Durant ses 12 minutes et 9 secondes suspendues pour l'éternité, Alexei Leonov a eu le temps de s'imprégner de la beauté du paysage et de se faire quelques frayeurs avant un retour sur Terre tout aussi compliqué. Science Chrono vous refait aujourd'hui le film de cette toute première sortie extravéhiculaire, restée dans les mémoires comme un exploit qui aurait pu à chaque instant virer à la catastrophe. Bonjour Philippe Hénarejos. Bonjour. Vous êtes rédacteur en chef de la revue Ciel et Espace. Merci beaucoup de vous joindre à nous pour nous faire le récit de cette grande première dans l'histoire de la conquête spatiale. Une grande première qui, comme on va le voir aujourd'hui, fut en tout point épique. Et pour démarrer le récit de cette épopée, on rembobine, on allume la télévision le 19 mars 1965 à 20h pour le journal de l'ORTF. L'image tremble, elle est un peu floue, mais l'exploit a eu lieu pour la première fois de l'histoire. Un humain a flotté dans l'espace. Le vol est maintenant terminé. Vostrov 2 a couvert plus de 7 200 000 km et a accompli plus de 17 révolutions. Maintenant, c'est les résultats qui comptent. Dans les images reçues de la sortie d'Alexei Leonov, on a remarqué la lenteur de ses gestes. C'est que, même muni d'une amarre, Alexei Leonov avait reçu des consignes impératives pour amorcer de la façon la plus prudente et la plus douce possible son opération d'éloignement de la paroi du vaisseau. La lenteur de ses gestes n'était pas uniquement due à l'état d'apesanteur, mais aussi à une retenue physique volontaire. Il va maintenant revenir vers son vaisseau, et vous allez voir des images que vous n'avez pas encore vues jusqu'à présent et qui sont exceptionnelles. Ce sont les fameuses cabrioles qu'Alexei Leonov a exécutées dans l'espace. Regardez-le bien. Pour le moment, il a la tête en bas. Seuls ses pieds apparaissent au-dessus du Vostrov et il se retourne. Voici les premiers pas dans les étoiles d'un homme. C'est toujours assez amusant, Philippe Hénarejos, de parler d'images à la radio. Oui. Est-ce que, pour cette archive éminemment visuelle, vous pourriez nous décrire ce qu'on voit dans ces images qui sont, comme le dit ce journaliste, exceptionnelles? Oui, alors il y a des films qui ont été tournés. C'est Leonov lui-même qui a installé la caméra qui était fixe sur le bord du sas duquel il est sorti. Donc il a commencé à lancer le film. C'était du film 16 mm. Donc il fallait revenir pour le développer. On l'a pas vu en direct. Mmh. Et donc c'était des images couleur. Et donc après, lui va évoluer dans l'espace en essayant de passer devant la caméra pour qu'on le voit. Alors on voit souvent, oui, ses pieds, on voit son dos, et on voit quelquefois où il se redresse. On voit défiler en arrière-plan la Terre avec les nuages, on voit des nuages blancs, et la Terre défile à 28 000 km à l'heure à quelques 200 ou 300 km en dessous, et on voit Leonov qui a l'air un peu figé, comme ça, qui fait quelques gestes, et puis on voit sa visière dorée pour le protéger des rayons du soleil, on voit pas son visage. Ça dure pas très longtemps parce que la sortie était limitée à 10 minutes. Il est resté 12 minutes et 9 voilà. secondes exactement dans l'espace. On va présenter ce personnage, Alexei Leonov. C'est un peu une success story à la mode soviétique. Mm-hmm. Fils d'un mineur et d'une femme qui a eu 9 enfants dont elle s'occupait. Son père a été emprisonné pendant les purges staliniennes pour activité anticommuniste. C'est un enfant qui a le goût du dessin, qui aurait voulu être artiste et puis finalement qui a suivi son frère qui était mécanicien d'avion et qui s'est dit bah pourquoi pas être pilote de chasse, au moins je serais logé à l'école militaire, ce qui n'était pas le cas aux Beaux-Arts. Donc il fait ce parcours un peu préliminaire de pilote de chasse assez classique pour les astronautes, les cosmonautes de l'époque. Est-ce que vous avez d'autres éléments à apporter sur ce portrait qu'on va faire rapidement de Leonov? Je crois me souvenir que c'est quelqu'un qui vivait dans une région de Sibérie. Absolument. Donc c'est quelqu'un qui est habitué au froid. On verra que ça a son importance. C'est un dur quand même. C'est un dur. Ouais, il a été élevé à la dure et c'est un dur. Et on verra que ça a son importance au moment Je l'ai rencontré une fois. J'ai eu la chance de lui serrer la main une fois. Quel souvenir vous gardez de lui? Je garde souvenir de... Alors il était plus vieux, hein. Je crois que c'était en 90. Il était sur un plateau d'une émission télé en France. Et je garde le souvenir d'un gars pas très grand, très compact, une boule de muscles. Je me souviens d'un gars Très tonique. Et dynamique. Ouais, et aussi, ouais. Ça, c'est quelque chose qui est souvent rappelé dans les portraits qui sont faits de Leonov. C'était quelqu'un qui avait une grande force de caractère, qui était très jovial, très charismatique. Il valait mieux être pas grand quand on voulait rentrer dans ce petit vaisseau spatial qui était le Voskhod 2 qu'on va présenter dans un instant. Mais quel entraînement subissaient les cosmonautes à l'époque pour des choses qui n'étaient pas encore vraiment réalisées? Les cosmonautes, comme les astronautes américains de l'époque, subissaient des entraînements qui ressemblaient à des véritables tortures. On leur faisait tout ce qui était possible d'imaginer, des accélérations, des séances où ils avaient les pieds dans l'eau avec des glaçons, et des choses qui les désorientaient, devoir prendre des décisions avec un manche à balai, un joystick, en fait, comment dire aujourd'hui, pour voir s'ils étaient capables de réagir au quart de tour. Ils étaient déjà tous à peu près formés pour ça, parce qu'ils étaient pilotes de chasse, vous l'avez dit. Parmi tous ces gens-là, on sélectionnait encore les meilleurs pour faire face à l'inconnu, finalement, parce qu'ils allaient devoir faire tout ce qu'ils faisaient à bord d'un avion, mais dans un vaisseau spatial, à des vitesses incroyables et avec un état d'apesanteur. Ce qui est intéressant, c'est que Leonov n'était pas le meilleur pour les tests, par exemple, en centrifugeuse, mais était reconnu pour sa capacité à prendre des décisions dans des situations de crise. On va voir que ça a eu son importance aussi. Vous parliez de torture. Lui, par exemple, Leonov, pour se préparer à ce premier vol et à ce premier, cette première sortie extravéhiculaire, il a dû passer un mois d'isolement complet, à l'issue duquel on l'a installé dans un MiG-15, un avion de chasse, et on lui a demandé d'effectuer toute une série de manœuvres très compliquées et de s'éjecter en parachute. Après un mois, tout seul, sans contact avec l'humanité, on perçoit bien la rudesse de cet entraînement. Cet entraînement qui avait lieu dans une époque très particulière de conquête spatiale, une époque où les Russes étaient en tête. On peut le dire, Philippe Hénarez. C'est l'époque de la guerre froide entre les États-Unis et la Russie, les deux blocs, le bloc communiste et le bloc capitaliste. Les Russes commencent très fort, puisque dans l'espace, ils sont les premiers à envoyer un satellite, en octobre 1957, le fameux Sputnik 1. Puis, ils lancent en 59 le Luna 3, qui est le premier objet à prendre des photos de la face cachée de la Lune. Le truc, c'est pas satellisé autour de la Lune, il est juste passé, et puis il a regardé derrière, dans le rétroviseur, envoyé les photos. Et puis, évidemment, on se souvient de Yuri Gagarin, qui est le premier humain dans l'espace en avril 1961. Et donc, les États-Unis font la course derrière, d'autant que toutes ces premières, elles sont réussies avec le même lanceur, qui est un missile intercontinental au départ. On appellera plus tard ça la fusée Zemlyorka ou Soyouz aujourd'hui, mais cette appellation n'existait pas à l'époque. Et cette fusée qui lance le Spoutnik en 57, elle est surpuissante pour lancer le Spoutnik, en fait. Donc c'est pour ça que c'est la même, avec un étage un peu modifié, qui lance Luna 3 pour aller un peu plus loin vers la Lune, et qui lance Gagarine avec un vaisseau qui est quand même d'une ampleur incroyable. À ce moment-là, les Américains, ils ont un programme de lancer une capsule Mercury, où le cosmonaute, il est complètement engoncé, c'est tout petit, à bord d'un lanceur qui est même pas capable d'atteindre la vitesse de satellisation. C'est un missile aussi, c'est le Redstone. Puis ils mettent au point péniblement une fusée Atlas. Mais la masse de la capsule Mercury monoplace par rapport au Voskhod est ridicule. Donc il y a une avancée russe et ils capitalisent sur cette grande avance qu'ils ont au départ. Ben, il la décline avec Gagarine, puis il lance Valentina Tereshkova, la première femme dans l'espace en 1963, puis en 1965, il tente la première sortie extravéhiculaire. Donc L'année d'avant, en 64, ils ont envoyé pour la première fois aussi trois humains dans l'espace, Voskhod 1 et Voskhod 2. Donc ce vaisseau spatial, on peut le décrire, il n'est pas fait pour préparer à une sortie extravéhiculaire. Il faut savoir que Voskhod, c'est en fait un Vostok. Alors le Vostok, donc monoplace pour Gagarine, c'est une sphère qui a tous les équipements, dont un siège au milieu, etc. Quasiment tout le confort moderne, presque. Voilà, mais Gagarine, du coup, était à l'aise, vous allez voir pourquoi, parce que effectivement, Voskhod 1 en 1964, c'est une nouvelle première russe, le premier vaisseau à trois places. Donc il y a trois astronautes qui rentrent dans un Voskhod, mais le Voskhod, c'est quoi? C'est un Vostok. C'est le même. On a enlevé des choses pour rentrer des gens à la place dedans, et ils sont serrés comme des sardines dans une boîte. Et là, Voskhod 2, alors, comme il faut emporter le scaphandre, qui est quand même plus encombrant, qu'il faut le mettre, éventuellement pouvoir l'enlever, etc., et qu'il faut un peu d'espace, bon, ils y vont qu'à deux. Et il n'y a pas d'espace prévu non plus pour sortir, puisqu'on ne peut pas dépressuriser le Voskhod 2, donc il faut imaginer un sas extérieur modulable. C'est ça. Ils ont fait le choix de faire un sas. Je ne sais pas les raisons, mais c'est un choix de sécurité qui est que... A priori, la cabine ne pouvait pas être dépressurisée du Voskhod 2, et ce qui compliquait un peu un peu les choses, oui, voilà. Donc, ils sont obligés d'avoir un sas. Et là, comment ils font? Ben, en fait, ils ajoutent un sas gonflable. En caoutchouc. Voilà, en caoutchouc. On parle souvent de Baigelo, l'entreprise américaine qui fait des modules gonflables, dont un est actuellement accroché à la Station Spatiale Internationale, comme une nouveauté. Non, le premier élément gonflable dans l'espace, c'est le sas du Voskhod 2. Ce sas Volga, il fait 2,5 mètres de long. Il y a deux ouvertures à chaque bout qui font 1,20 mètre de diamètre. Voilà. Enfin, celle du bout, la sortie, l'écoutille, fait 65 cm de diamètre. C'est ça. Donc, il ne faut pas se louper. En plus, Alexei Leonov est donc dans cette combinaison Berkout qui signifie aigle royal. Il n'a pas du tout la grâce d'un aigle royal. Non. C'est une combinaison qui fait 45 kilos. Il a ce qu'il faut pour respirer dans cette combinaison. Et donc, il se met dans le sas. Il ferme l'écoutille derrière lui. Voilà. On dépressurise. Et là, il peut sortir dans l'espace. C'est donc ça. Là, on va raconter ce moment de la sortie extravéhiculaire qui est un moment extraordinaire dans l'histoire de la conquête spatiale. Comment il se déplace, comment est-ce qu'il peut faire en sorte de ne pas se perdre dans l'orbite spatiale? Alors, déjà, il faut savoir qu'il est relié à son vaisseau spatial par un cordon qui est de sécurité et qui peut-être lui a amené de l'oxygène quand même aussi. Bien que je crois qu'il avait un sac à dos avec Il avait de l'oxygène. Voilà, il avait de l'oxygène. Ouais. À aucun moment, il n'est libre de se perdre dans l'espace. Donc, c'est la première fois qu'on envoie quelqu'un ainsi sortir du vaisseau spatial. J'imagine qu'à l'époque, déjà, il y avait des vols paraboliques en avion. Donc ils se sont entraînés là-dessus. Mais enfin, ça dure 20 secondes. Donc, on sait qu'il y a une difficulté à se mouvoir. Il y a pas d'air. Il faut prendre appui. Et si vous poussez dans un sens contre la paroi du vaisseau, automatiquement, vous imprimez une vitesse qui vous propulse dans l'autre sens. Et il y aura rien d'autre pour vous ramener. C'est-à-dire qu'à la limite, s'il se détache du vaisseau et qu'il pousse vers l'espace, la seule chose qui va l'empêcher de partir, c'est le cordon. Qui va à un moment donné se tendre et puis le ramener par rebond vers le vaisseau. Et les rebonds, ça peut être dangereux. Il se choque à 5 reprises contre la paroi du vaisseau et on le voit dans la vidéo qui est vraiment impressionnante parce qu'on perçoit la difficulté de se mouvoir dans l'espace. Il se retient avec les mains pour que sa visière et que son casque ne heurtent pas la paroi du vaisseau. Parce qu'en fait, c'est vraiment pas intuitif. On a un peu l'habitude de voir dans les films de science-fiction où tout bouge très vite et forcément, si ça bougeait pas, on s'ennuierait. Mais dans l'espace, c'est un éloge de la lenteur. Parce que dès que vous imprimez un mouvement, il faut être capable de savoir si vous allez pouvoir le contrer pour l'annuler. Il n'y a aucun petit propulseur qui lui permettrait... Non, lui n'a pas ça. Son collègue américain, Edward White, expérimentera un propulseur qui ne marchera pas très bien d'ailleurs, un mois plus tard. Mais lui, il n'a rien. Il n'a que ses mains, donc il faut qu'il y aille doucement. Et donc cet éloge de la lenteur, comme vous le dites, il l'expérimente à plein, Philippe Hénarejos, Alexei Leonov, quand il est dans l'espace. Dans un entretien à Airspace Magazine en 2005, il décrivait une scène qu'on dirait tout droit sortie d'un film d'Andrei Tarkovsky. Il dit « J'ai entendu Pacha, donc Pavel Belyaev, qui lui est resté dans le vaisseau, Pacha m'appeler, me criant « Il est temps de revenir ». Ce n'est qu'à ce moment-là que j'ai compris que je flottais dans l'espace depuis plus de 10 minutes. J'étais comme en transe. Mon esprit m'avait rappelé à mon enfance. Je voyais ma mère ouvrir la fenêtre de notre maison et crier mon nom tandis que je jouais dehors avec mes amis. « Alyosha, il faut revenir à l'intérieur maintenant ». Avec une certaine réticence, je suis revenu à moi et j'ai accepté de rentrer dans le vaisseau spatial. Donc là, lui, il est dans cet état de transe, de paix. Alors, de paix sans doute un peu surjouée, parce que il se passe quand même des choses dans sa combinaison qu'il n'avait pas prévues. Oui, mais là, pour le moment, c'est pas critique. Et je pense que 10 minutes, c'est quand même très court. Aujourd'hui, les astronautes qui sortent, ils font 7 heures, 8 heures dehors. Donc 10 minutes, le temps de sortir, de s'assurer que tout va bien, de faire ses petites cabrioles, etc. Il faut rentrer. Parce qu'en fait, il fallait pas se mettre dans la nuit, comme on dit communément, mais la nuit sur un vaisseau spatial qui est en orbite autour de la Terre, c'est toutes les 45 minutes. Donc, faut aller vite et il faut garder des marges de sécurité. Donc, 10 minutes, lui, il est le premier à sortir et à voir dans son champ de vision la Terre dans son ensemble. même s'il a un casque, son champ de vision est beaucoup plus large que ce qu'il a pu avoir et que tous ses collègues qui l'ont précédé dans l'espace ont pu avoir à travers les trois hublots des Vostok et du Voskhod, et même les gars de Mercury, c'était ridicule leur petit hublot. Lui, dit que ce qui lui, il est au milieu de l'univers. Et ce qui le rend complètement admiratif, c'est la rotondité de la Terre. Ben il dit, elle était absolument ronde. Je crois que je n'ai jamais su ce que signifiait rond avant d'avoir vu la Terre depuis l'espace. Mais c'est normal, il est fasciné. On voit sur les photos maintenant que prennent les astronautes depuis l'ISS les couleurs incroyables de la Terre. C'est le seul corps céleste qui a autant de couleurs. Et puis le noir de l'espace, il est le premier à faire des pas dans l'univers extraterrestre. En plus, on voit sa sensibilité d'artiste quelque part. Il n'est pas insensible à tout ça. D'ailleurs, Edward White, qui le suivra un mois plus tard, l'Américain, qui était moins un poète que lui, au bout de 20 minutes, lui, il ne voulait pas rentrer du tout. Il y a une forme d'ivresse. Un peu peut-être comme dans les grands fonds. Ouais. Quoi, parce que le spectacle est saisissant. Il est le premier de nous tous à avoir vu ça. Et le premier chanceux, et le premier aussi un peu malchanceux, à devoir rentrer dans ce sas qui fait 65 cm de diamètre. Donc l'écoutille fait 65 cm de diamètre. Et il se rend compte que, voulant rentrer par les pieds, ce qui était prévu à l'origine pour qu'il puisse fermer la porte derrière lui, sa combinaison a gonflé. Et lui, tout d'un coup, dans cette combinaison-là, c'est comme s'il avait rétréci. Il n'a plus les mains aux emplacements de ses gants. Il commence à devoir rentrer vraiment. Et là, il prend une décision de rentrer la tête la première. Voilà. Bah déjà, sa température corporelle a augmenté, il sue, on peut pas se frotter les yeux avec les gants, on a la tête sous la visière, il y a de la buée sur sa visière, qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qu'il choisit de faire? Mais là, il choisit d'improviser. Justement, on parlait de la formation à prendre des décisions très très vite, il sait qu'il doit pas traîner, et il sait que ça marche pas en rentrant par les pieds. Pourtant, on lui a dit dans tout son entraînement que c'était par les pieds qu'il fallait rentrer. Mais sa combinaison qui a... Bon, les matériaux, on expérimentait à l'époque. Tout simplement, elle a chauffé au soleil. Et donc, le matériau était pas inerte thermiquement et s'est dilaté. Peut-être qu'il y a eu un problème de pressurisation aussi, qui fait que quand un scaphandre est gonflé, il faut le savoir, quand on est dans un scaphandre pressurisé et que dehors, c'est le vide... Il est très dur. Les articulations sont très dures. Ça vous demande un effort. Ça se voit sur les vidéos. Ça se voit sur les vidéos, y compris sur les astronautes qui sont allés sur la Lune, où pourtant, déjà, il y avait un énorme progrès sur les scaphandres, sur les articulations. Il voit que ça passe pas, et il sait qu'en passant la tête la première, il aura plus de manœuvrabilité pour tirer, en espérant que rien ne se déchire, et rentrer dans le sas. Et après, il a un autre problème. C'est qu'il est la tête en bas. Il a les pieds à l'endroit où il devrait avoir les mains pour pouvoir fermer la porte. Je rappelle que c'est un tube, en fait, pour fermer la porte extérieure. Et s'il ferme pas la porte, on peut pas repressuriser, il peut pas rentrer. Et là, les consignes étaient très strictes à ce moment-là. S'il y a un problème et qu'il n'y arrive pas, on l'abandonnait à l'espace et son coéquipier rentrait seul sur Terre. On n'allait pas sacrifier les deux astronautes. Et à ce moment-là, il a une idée de génie, c'est qu'il a une petite valve sur sa combinaison. Il se dit, je vais défaire moi-même la pression de ma combinaison au risque de subir une embolie gazeuse, parce que c'est comme la profondeur, les grandes profondeurs, si le sang commence à être appauvri, on peut avoir de gros problèmes de santé. Il le fait, et par des manœuvres d'anguille et un mouvement imagine de contorsionniste, il arrive à se retourner J'aurais aimé être à l'extérieur et voir la forme du sas au moment où il se retourne. À mon avis, le fait que c'était un tissu étanche, et le fait que c'était pas une paroi rigide, ça a dû se déformer pas mal. On a dû le voir se retourner. Effectivement, il fallait que son opération soit très contrôlée. C'est-à-dire qu'en gros, il ouvre le scaphandre sur le vide. Ce qui va avoir pour effet de faire baisser la pression, mais il ne faut pas qu'elle baisse trop, parce que si elle baisse trop ou si elle baisse totalement, il est mort. Il risque la mort. Et en quelques secondes. Donc, il fait ça, ça marche, il retrouve il ferme la mobilité, parce que son scaphandre est plus rigide, est moins rigide, et donc il ferme la porte, et là, il a cette fois la tête en haut. Le sas est pressurisé avec de l'air qui est envoyé depuis la capsule. Là, il fait quelque chose qu'on lui avait interdit, il ouvre sa visière pour pouvoir respirer un peu et pouvoir avoir de l'air frais, en tout cas de l'air qui lui arrive sur le visage, parce qu'il a eu vraiment peur. Il a eu vraiment chaud. Oui. Et puis l'écoutille peut s'ouvrir et il peut regagner l'intérieur du Voskhod. France Culture, Science Chrono, Antoine Beauchamp. Alexei Leonov a regagné le Voskhod 2. Il a une petite boîte de crayons de couleur et lui qui est artiste fait sur le vif un dessin de ses impressions qu'il a eues. Alors le dessin est très naïf, on le partagera sur la page de l'émission, mais c'est assez touchant de voir ce lever de soleil sur la Terre qui l'attend impressionné avec voilà un peu ses couleurs de l'arc-en-ciel. Il est retourné dans le Voskhod et là on peut se dire, Philippe Henarejos, que voilà, nos hommes sont tirés d'affaire, ils peuvent rentrer sur Terre tranquille. Or, c'est pas exactement ce qui se passe. A priori, oui, la partie difficile de la mission était faite, puisque des vols dans l'espace, on en avait déjà fait, ça marchait, bon, voilà. Et là, le vaisseau Voskhod va commencer à avoir des défaillances sur les moteurs d'attitude. Il faut savoir que on tourne à 28 000 km à l'heure. Il s'agit pas de revenir avec n'importe quelle trajectoire. Si vous prenez une trajectoire trop abrupte, même avec le bouclier thermique, vous allez avoir un problème avec les couches de l'atmosphère et vous risquez de brûler ou de rebondir. Si vous prenez une trajectoire trop longue, là c'est le rebond assuré, donc vous rentrerez pas dans l'atmosphère. Il y a un petit angle à connaître. Il faut, alors généralement c'était une manœuvre qui se faisait, y compris chez les Russes, en automatique, parce que il est dur à trouver cet angle, il est petit. Et là, ça marche pas. Il y a des défaillances dont j'ai oublié le détail. Beaucoup de défaillances mécaniques qui font la rentrée en manuel. Ils sont obligés de rentrer en manuel dans l'atmosphère et de décider eux-mêmes du point d'atterrissage où ils vont poser leur vaisseau et du temps durant lequel ils vont pouvoir allumer les rétrofusées pour pouvoir se diriger vers l'atmosphère. On n'a plus beaucoup de temps, donc on passe vite sur cette entrée chaotique dans l'atmosphère où ils prennent 10 jets dans la figure. Certains de leurs vaisseaux se regardent dans les yeux, éclatent. C'est dur. Ils tombent dans 2 mètres de neige au fin fond de la Sibérie à plus de 2000 km de là où ils devaient atterrir. Et personne ne sait où ils sont. Ils ont envoyé un signal d'alarme qui a été émis jusqu'en Allemagne, qui a été perçu par miracle, par un avion cargo qui passait à ce moment-là. On trouve leurs traces 24 heures après leur chute dans la neige, en pleine période de reproduction des loups et des ours dans la Sibérie. Bref, c'est épique. C'est au mois de mars. Hein, c'est au mois de mars. Il fait froid, la neige tombe, ils peuvent mourir à ce moment-là que quand ils sont dans l'espace. C'est ça qui est assez paradoxal. Ils finissent par revenir alors qu'ils étaient partis en combinaison ultra moderne pour l'époque et en vaisseau ultra moderne. Ils reviennent en ski avec des bonnets en polaire et des bottes en peau de loup. Donc ils sont partis comme les incarnations de la modernité et du progrès. Ils reviennent comme des hommes préhistoriques devant les caméras. Et là-dessus, l'Union soviétique a fait un silence radio total sur ses échecs, sur ses problèmes. Oui, on n'était pas au courant. C'était la stratégie de toute façon de communication de l'Union soviétique à l'époque. C'est, il fallait mettre en avant les succès et on ne parlait pas des échecs. Des échecs, il y en a eu. Il y a eu des vols de tests, y compris sur des sondes automatiques non habitées vers la Lune. On les nommait pas tant qu'elles n'avaient pas réussi. De même, quand Gagarine est revenu de son vol, à une certaine altitude, il s'est éjecté et il a fini en parachute. Sa capsule redescendait en parachute, mais c'était un peu brutal l'atterrissage. Donc il préférait, lui, s'éjecter et descendre en parachute. Ça n'a pas été dit à l'époque. Parce que ils avaient peur que les Américains leur dénient le droit d'avoir réussi le premier vol spatial. Il fallait que le gars arrive aux commandes de son vaisseau. Et ce n'était pas le cas. Et ce qui est fou, c'est qu'à ce moment-là, quand Beliaïev et Leonov atterrissent au fin fond de la Sibérie, même leurs familles ne savent pas où ils sont. Ils ont peur. Les autorités soviétiques font croire à la famille qu'ils sont en train de se reposer dans une datcha, que tout est bien arrivé. Ils sont tranquilles, quoi, a priori. Finalement, ils sont rentrés sains et saufs dans leur famille. Leonov, lui, il est mort bien plus tard, en 2019, de sa belle mort. Il a continué sa carrière de cosmonaute et de formateur de cosmonautes. C'est un peu le dernier grand événement de la conquête spatiale soviétique, non, Philippe Henarejos? Alors, en termes de vol habité, oui, certainement, à cette époque-là. Après, ils ont fait des choses avec les stations spatiales, etc. Mais en tant que première, je pense que oui. Et d'ailleurs, Leonov, qui était encore cosmonaute actif pendant la course à la Lune, voulait faire une autre première. En 1968, il voulait être le premier Russe autour de la Lune. C'est parce que les Russes ont commencé à envoyer un Soyouz modifié autour de la Lune à deux reprises au mois de septembre, que les Américains ont dit on va faire la mission Apollo 8 avec leur fusée Saturn V qui marchait pas très bien et le LEM qui était pas prêt, donc ils ont interverti des missions et parce qu'ils avaient peur que les Russes soient les premiers. Et parmi les Russes, celui qui poussait comme un fou pour faire cette mission autour de la Lune, c'était Leonov. Il voulait y aller tout seul. Les responsables soviétiques du programme lunaire à l'époque lui ont dit non, non, on ne t'autorise pas à y aller. Et il y a eu une grosse friction, un bras de fer. Lui, il avait un sacré caractère. Et il voulait être le premier autour de la Lune, battre encore les Américains. Et il était destiné à être le premier Russe à marcher sur la Lune. C'était le Armstrong soviétique, Léonov. Et on l'a interdit. Et pour la petite histoire, la mission qui est partie sans personne à bord, c'est une mission qui s'est bien déroulée, sauf au retour sur Terre où le parachute ne s'est pas déployé et la capsule s'est écrasée, donc il serait mort. En fait. Il a bien fait de ne pas pouvoir embarquer dans ce vaisseau-là. Les Américains donc, seront les premiers, l'histoire est bien connue, à envoyer des hommes sur la Lune. On peut quand même parler de leur réaction, des réactions admiratives dans le monde entier à cette première sortie dans l'espace d'Alexeï Leonov. Et une réaction un peu jalouse des États-Unis. Je prends un extrait d'un article de Newsweek qui dit « Une fois de plus, c'est l'Union soviétique et non les États-Unis qui a enregistré une première spectaculaire dans l'espace et qui a captivé l'attention du monde entier. » Voilà. Ça, c'était le 29 mars 1965. Ben, ils sont amers depuis 1957, les Américains. Ils ne supportent pas que les Russes aient la capacité d'envoyer d'abord des bombes nucléaires en orbite, parce que c'était ça, au départ, l'enjeu de la conquête de l'orbite terrestre. Et puis, ils démontrent leur supériorité. C'est une guerre de communication et de propagande. Les Russes le font à leur manière, mais les Américains le font aussi. Et là, les résultats, le tableau d'affichage, comme on dirait en sport, il n'est pas en la faveur des Américains. Et il s'est fait de manière un peu artificielle, d'ailleurs. Ouais. Parce que, comme je vous l'ai dit au début, ils avaient un gros lanceur dès le début, les Russes, et après ça patine un peu. Et après ça patine. Et donc ils tirent jusqu'au bout cette technologie qu'ils avaient déjà depuis 1957. Et quand Leonov sort dans l'espace, honnêtement, les Américains sont déjà mieux techniquement. Plus préparés, oui. Mais ils se font encore battre. De quelques mois. Edward White, ce sera en mois de mai ou juin. Juin 65. Voilà. Pour la première sortie dans l'espace. Leonov reste quand même dans nos mémoires comme le premier homme à avoir franchi cette barrière infranchissable jusqu'alors du vide spatial. Merci beaucoup, Philippe Hénarejos, de nous avoir raconté cette histoire. On peut vous lire tous les mois dans les pages de Ciel et Espace, qu'on peut bien sûr trouver dans tous les kiosques. Space One de Nala Sinéphro pour flotter encore quelques instants dans l'espace aux côtés d'Alexeï Leonov. Science Chrono, c'est déjà fini. Un grand merci à Mariam Ibrahim et à la réalisation Olivier Bétard. Merci à Sabine Dahuron de l'INA, notre partenaire, pour son aide dans la recherche d'archives. Et merci à Dimitri Pass, aujourd'hui à la technique. Vous pouvez réécouter cette émission comme toujours sur l'appli Radio France ou bien sur le site franceculture.fr. N'oubliez pas de régler vos montres à l'heure des sciences. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même endroit, pour un nouvel épisode de Science Chrono. Thank you.